Section 9 de Contes, anecdotes et récits canadiens. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatro. Prout, prout, prout. Monsieur J. M. Tellier briquait les suffrages des électeurs de son comté il y a plusieurs années. Il était accompagné de deux formidables jouteurs, M. C. A. Cornelier et Joseph Martel, avocat, qui avaient pendant plus de 30 ans parlé sur tous les hustings des deux provinces de Québec et d'Ontario. Je n'ai pas l'honneur de connaître M. Tellier dans l'intimité, ne l'ayant rencontré et n'ayant causé avec lui qu'une fois ou deux, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui par des amis communs, et je sais pertinemment qu'il aime à rire. Inutile de vous raconter mon ami Cornelier par le menu, puisque Charles-Auguste est mieux connu dans le pays que ne l'était défunt Barabbas, dans son temps et parmi son peuple. Ses brillants succès d'avocat criminaliste, son éloquence virile et entraînante, la sûreté de son jugement si bien pondéré, lui ont valu cette réputation qu'il mérite à un si haut degré, sans compter une présence d'esprit qui lui permet de planter une cheville qui fait toujours juste chaque fois qu'il rencontre un trou à sa portée. Je lui suis redevable d'un grand nombre de ses anecdotes et souvenirs que je publie aujourd'hui, et ce ne sont pas les moins drôles, tant s'en faut. Joseph Martel est un homme de haute taille, pétillant d'esprit, mais mordant en diable. C'est bien simple, ce sont des étincelles électriques qui voltigent dans l'air quand il lâche un mot, et il arrache le morceau à tout coup. Vous voilà en présence du trio. Nos trois amis se trouvaient à l'hôtel de Joe River, attendant que leurs chevaux fussent attelés pour se rendre à Saint-Félix-de-Valois, une distance d'une 20 000 miles environ, lorsque le convoi de Montréal stoppa en gare et Joe s'amena avec un voyageur que tous connaissaient, mais qu'ils firent mine de ne pas voir. C'était un bonhomme chauve, édenté, le front légèrement déprimé, les yeux perçants comme des vrilles, des oreilles larges en forme d'éventail qui se mouvaient toutes seules sous l'effort de la brise, un nez banal planté au-dessus d'une fente longitudinale, annonçant un trou d'une profondeur insondable, plus bas un menton inoffensif. Les quatre se mirent en route, chacun dans un quatre-roues conduit par un habitant dans l'ordre suivant. Cornelier tenait la tête de la caravane, suivi de près par Tellier, Joseph Martel en troisième lieu, et enfin l'étranger. Tous descendirent à l'unique auberge de Saint-Félix-de-Valois et s'engouffrèrent dans une vaste pièce enfumée, puant de tabac canadien à plein nez, s'approchèrent du comptoir et demandèrent un coup. L'étranger continuait à se coller, et comme il vit que personne ne s'occupait de lui, il s'impatienta et s'approchant de M. Martel, « Vous ne me connaissez pas, hein? Eh ben, je suis venu de Montréal exprès pour vous combattre, et à moi tout seul, je vais vous démantibuler tous les trois. Mon nom est Prou. C'est vrai, je ne suis pas capable de vous placer, mais mon cheval vous connaît bien. Comment ça? Votre cheval me connaît. Eh oui, tout le long du chemin, il s'est tenu la queue en l'air, droite, vous savez, et je l'entendais qui faisait prout, prout, prout. J'ai pensé qu'il vous parlait. » En cour d'assises, un avocat bien connu interroge un témoin récalcitrant. Dites à la cour si, lorsque vous avez vu le cadavre pour la première fois, il respirait encore. Vous voyez qu'il plaise à la cour. Il ne répond pas. Parlez-moi d'un homme qui prend la parole et qui dit rien. Fin de la section 9, lue par Sandra, 2026.